Mal de dingue dans le crâne, dans le cœur, j'ai des points de suture. Je marche entre drames et cousures. Si le pouvoir, c'est ce qui manque trop de coupures. Je suis en chien, c'est par un pouce, pèse leur loi. Regarde quand on bouge, va chercher l'or noir. Nouvelle importance dans le charter. Or, moi, je prends cunier. Tu t'enculais avant de dire au revoir. Dehors, c'est miné. Y'a un bip, ça tape, mec, c'est inné. Je sais que ça se fait péter comme ça, dame, mec. Moi, je viens faire ça, sérieux dans mes fers, ça. C'est moi qui gère ça. Les stars, les dirigeants, j'y gère pas. Les garanties, y'a une femme morbide. T'es averti, ma session annonce ton sombre verdict. Mais dis donc, vais-je dire, ouais, on use du pire pour s'en sortir. Les actes et les tirs assortis, tout sur la portière, boutique sportive. T'aimais pas en travers mon chemin, j'ai